boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. La semaine passée, votre Pop and Rock sur la très locale RVR avait prévu de ne vous envoyer que des groupes et artistes français pour vous prouver, si cela est encore nécessaire, que la France est bien aussi l'autre pays du rock. La semaine passée, on a pu profiter des Two Sisters, Last Train, Lulu Van Trapp et autres Animal Triste. Playlist amplie et tellement riche que cette semaine nous poursuivons et c'est la méconnue Sylvie Croche qui a ouvert le bal, tout de suite suivi d'un nouveau titre du nouvel album du duo rock de Bandy Bandy. Que son nom. son bang bang, plus vite que son bang bang, plus vite que son bang. Les duo rock sont de plus en plus à la mode depuis quelques années, des Sleaford Mods en passant par les Black Keys et autres Clinique Rodeo et Virgin Marys. La crise a peut-être renvoyé aux oubliettes les groupes chorales, quoique The Inspector Clouseau n'a pas attendu la crise sanitaire pour exister. The Inspector Clouseau arrive avec son I Am a Japanese Mountain et c'est dans Pop and Rock sur RVR. Local RVR 100% made in rock français. Easy, I see where I'm so. Comme promis, cette semaine encore, tous les groupes proposés sont originaires de la nation aux gallinacées. Alors ok, la plupart préfèrent la langue de Shakespeare, mais quelques irréductibles amoureux de Molière arrivent. Vous allez bien ? Quand même.

c'est français, pas de doute, vous écoutez Pop & Rock sur RVR. Tu sers de prétexte à plusieurs pour faire un stock sur ce psychodyslectique. Tu pourrais leur tendre un programme irrépressible, en donnant des coups d'un tête à tête. Pas d'électrochoc, de déblander une botte. Tu pourrais t'en faire un direct. Sentir le sang-froid sur l'uniforme. Qu'ils changent de version d'antidote. Service après-vente, effet divers. Tu vends une vision sentimentale. Des missions qui prennent feu dès qu'on les quitte. Que chargeurs qu'on vide sous escorte. La pression des liens entre tes cuisses. Tu pourrais tenir du fantasme. Sortir l'infection dans ta poitrine. Des ombres à perte de vue. Des spéculaires qui. Des ombres à perte de vue. Surflex, abstinence, farce anti-moderne, section tragique. Ils pourraient t'induire en erreur, jusqu'à ce qu'ils t'obligent à faire le tri. C'est toi qui dirige ta séquence. Pas d'électrochoc, le brûlant des bottes. Que tu sortes ou non du contexte. Chaque nouvelle option tire sur la corde. Des ombres à perte de vue. Des ombres à perte de vue. Cafard Palace, Oslo Tropique, Varsovie, triplette de rock en français qui n'a pourtant rien d'une exception culturelle, surtout quand on en voit à présent Zone Libre. We'll be right back.

Allez, pour bien finir, revenons au bien vivant. Sur ce, bon vent à tous. Takes our secret shoes and sprays our blue.